achat à prix majoré et preuve de distribution au culte. Vous savez qu'en cas d'acquisition de titres par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à leur valeur vénale, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé est considéré comme une distribution au culte. Et cela même si l'opération est portée en comptabilité et est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas par elle-même la libéralité en cause. La preuve d'une telle distribution au culte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'elle établit d'une part l'existence d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, et d'autre part une intention pour la société d'octroyer et pour le contractant de recevoir une libéralité du fait des conditions de la cession.